الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. On continue la lecture du livre Tafsir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. Lors du dernier cours, on s'était arrêté on avait expliqué le hadith de Abdullah ibn Umar, c'est ça ? Sur ce que porte le muhrim comme vêtement, celui qui est en état de sacralisation, ce qu'il porte comme vêtement. Qui a appris le hadith ? Man ? Hassan, pardon. أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا ما يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الكتاف إلا أحد لا يجد نعلين لا يجد النعلين فليلبس الكفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسح زعفران أو ورس. رواه البخاري ومسلم. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. لبس. Donc c'est une fatha à chaque fois sur le bas. بارك الله فيك. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر بعد المئتين. في الأوتر الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله انتم للشابيتر 210. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. رواه البخاري ومسلم. Et son Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le discours à Arafat et dire et celui qui ne trouve pas de sandales qu'il porte alors des chaussons et celui qui ne trouve pas de izar qu'il porte alors un pantalon. Rapporté par al-Bukhari et Muslim. للمحرم. نعم للمحرم. نعم للمحرم. نعم. Pour dire que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit cela en s'adressant ou que ce jugement concerne le muhrim, celui qui est en état de sacralisation. Que ce n'est pas un hadith général, ce n'est pas un hadith qui doit être pris dans le contexte, dans un contexte général, mais bel et bien en s'adressant au muhrim, à celui qui est en état de sacralisation, s'il n'a pas de sandales alors qu'il porte des chaussons, et s'il n'a pas de izar alors qu'il porte un pantalon. Al-Ma'na al-Ijmali. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الحجيج بعرفات في حجة الوداع ويبين أحكام المناسك وكان المسلمون في ذلك الوقت في ضيق من الدنيا فبين لهم أن من لا يجد نعلين يلبسهما في إحرامه فليلبس بدلهما خفين ولو ستر الكعبين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولا يشقه تخفيفا من الشارع ورخصة من الله تعالى الذي لا يكلف نفسا إلا وسعها. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait donc les pèlerins à Arafat lors du pèlerinage d'adieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur expliquait les différents jugements des rites du pèlerinage. Et les musulmans à cette époque étaient dans une étroitesse de cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors expliqué que celui qui n'a pas de sandales à porter, celui qui n'a pas les moyens de s'acheter des sandales, alors celui qui n'a pas de sandales à porter lorsqu'il est en état de sacralisation, alors qu'il porte à la place, à leur place, des chaussons, même si ces chaussons couvrent ses chevilles. Et celui qui ne trouve pas de izar, on a vu que le izar c'est la partie, l'étoffe qui couvre la partie inférieure du corps. Et celui qui ne trouve pas de izar, qu'il porte alors un pantalon sans le couper. Sans le couper. Ceci est un allègement de la part du législateur, subhanahu wa ta'ala, et ceci est une dérogation de la part d'Allah Azzawajal qui n'impose pas à une âme plus que sa capacité. Ma yukhadu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. أولا الخطبة في عرفة لبيان أحكام الحج وآداب المناسك. Premièrement, on retient de ce hadith que le discours de Arafat que fait l'imam a pour but d'expliquer les jugements du pèlerinage et les comportements à avoir durant les différents rites. ثانيا إنه ينبغي تذكير الناس في كل وقت بما يناسبه. Deuxièmement, qu'il est demandé de faire un rappel aux gens, de rappeler les gens à tout moment et que le rappel coïncide avec ce dont les gens ont besoin. Ici, le professeur Hassem était au pèlerinage avec ses compagnons et il a profité de leur présence à Arafat afin de les exhorter et de leur expliquer ce dont ils avaient le plus besoin à ce moment-là, à savoir de connaître les rites et les jugements liés au pèlerinage. Troisièmement, que celui qui ne trouve pas de sandales, qu'il porte alors des chaussons. Ce qui est apparent de ce hadith, ce qui apparaît de ce hadith, c'est-à-dire qu'il porte les chaussons sans les couper. Or, dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, que l'on a expliqué lors du dernier cours, et que le frère nous a récité, et celui qui n'a pas de sandales, qu'il porte des chaussons et qu'il les coupe en dessous des chevilles. وَلِيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. Ça c'est dans le hadith de Abdullah ibn Omar, le hadith numéro 209, et le hadith que l'on explique aujourd'hui, le hadith de Abdullah ibn Abbas, le hadith 210, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas allusion au fait de couper les chaussons. Et Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit, et l'on va citer la divergence des savants à ce sujet. Rabi'an, إنما لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولا فدية مع لبس الخفين والسراويل في هذه الحال. Quatrièmement, que celui qui ne trouve pas de izar à porter alors qu'il porte un pantalon. Et il n'y a pas de compensation à donner. Il n'y a pas de fidya à donner pour celui qui aura porté des chaussons ou qui aura porté un pantalon dans cette situation. C'est-à-dire lorsqu'il n'a pas d'autre choix. Car de porter des chaussons et de porter un pantalon pour le muhrim, c'est à la base, c'est C'est interdit. Fait partie de mahdourat al-ihram, fait partie des choses interdites pendant al-ihram, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. خامساً سماحة هذه الشريعة ويسرها إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. Cinquièmement, le retient de ce hadith, la noblesse de cette religion musulmane et sa facilité. Que l'islam est une religion noble et une religion simple et qu'Allah Azza wa Jal n'impose pas à une âme plus que sa charge. Et on l'a dit à plusieurs reprises, on le redit, que celui qui trouve que l'islam est une religion difficile, c'est soit une personne qui ne connaît pas l'islam, ou soit c'est une personne qui exagère dans l'islam, qui fait plus que ce que l'islam lui demande de faire. Celui qui exagère dans ce qu'il considère comme étant difficile. Comme ces trois hommes au temps du prophète sallam, lorsque l'un dit « Je prie la nuit et je ne dors pas ». Et l'autre qui dit « Je jeûne tous les jours et je ne romprai pas ». Et le troisième qui a dit « Je ne me marierai pas avec les femmes ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Son visage a rougi sallallahu alayhi wa sallam et ses veines étaient apparentes. Il est monté sur le minbar et a dit « Il m'est parvenu que des gens disent cela, cela, cela. Quant à moi, je dors et je prie. Quant à moi, je jeûne et je romps. Et quant à moi, je me marie aux femmes. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. » La religion musulmane est une religion simple et aisée. Walillahi alhamd. Comme a dit le charih, rahimahullah, اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين. اختلف العلماء في حكم المحرم الذي لا يجد نعلين ووجد خفين فهل يجب عليه قطعهما من أسفل الكعبين وإن لم يفعل أثم وفدا أو أنه يباح له لبسهما بلا قطع وليس عليه فدية. La divergence des savants et le rassemblement entre les deux hadiths. Ici, Cheikh Al-Bassam parle du hadith d'Abdullah ibn Omar et du hadith d'Abdullah ibn Abbas. Il dit, rahimahullah, que les savants ont divergé sur le jugement du muhrim, de celui qui est en état de sacralisation, et qui ne trouve pas de sandales à porter, mais trouve des chaussons. Doit-il obligatoirement couper les chaussons, de telle sorte qu'il arrive en dessous de la cheville? Et s'il ne fait pas, c'est-à-dire s'il ne coupe pas ses chaussons, a-t-il commis un péché et dans ce cas, doit-il donner une compensation? Ou bien alors, il lui est autorisé de porter ses chaussons sans les couper et sans donner quelconque compensation? Est-ce que la problématique est claire? ذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وإسحاق إلى الأول مستدلين بحديث ابن عمر السابق فإن لم يجد نعلين فليقطعهما من أسفل الكعبين لأنه أمر يقتضي الوجوب فيحمل عليه حديث ابن عباس على قاعدة حمل المطلق على المقيد. La majorité des savants, parmi eux, les trois imams, Abu Hanifa, Malik et Al-Shafi'i, rahimahumullah, de même que l'imam Al-Thawri et Ishaq, sont du premier avis. À savoir qu'il est obligatoire pour celui qui n'a pas la possibilité, lorsqu'il est en état de sacralisation, de porter des sandales. S'il trouve des chaussons, il doit les couper en dessous des chevilles. C'est l'avis de la majorité des savants, dont les trois imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Shafi'i. Quelle est leur preuve? Leur preuve est le hadith de Abdullah ibn Umar, que l'on a expliqué lors du dernier cours, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et s'il ne trouve pas de sandales, alors qu'il les coupe, alors qu'il les coupe, c'est-à-dire les chaussons, en dessous des chevilles. En dessous des chevilles. Et ils ont dit que c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique l'obligation. Et ils disent que le hadith de Abdullah ibn Umar s'applique sur le hadith de Abdullah ibn Abbas, en appliquant la règle حمل المطلق على المقيد. المطلق المقيد, l'absolu, المطلق, lequel des deux hadiths est le hadith مطلق, le hadith d'Abdullah ibn Umar ou le hadith d'Abdullah ibn Abbas? Le hadith de Abdullah ibn Abbas, c'est lui qui est absolu, qui est mutlaq. Pourquoi? Car il n'est pas restreint, il ne restreint pas. Al-Muqayyad, c'est le restreint. Et Al-Mutlaq, c'est l'absolu. Dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, le professeur Hassan dit, et qu'il les coupe en dessous des chevilles. Dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, le professeur Hassan a dit, celui qui ne trouve pas de sandales, qu'il porte des chaussons. Sans ajouter de restriction à cela. Donc le hadith absolu, c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas. Le hadith muqayyad, qui restreint, c'est le hadith de Abdullah ibn Umar. Et les savants ont dit que lorsqu'il y a que al-mutlaq yuhmal ala al-muqayyad, c'est-à-dire que l'on applique le restreint sur l'absolu. D'accord ? On applique le restreint sur l'absolu. الإمام أحمد وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى الثاني ويروى أيضا عن علي وقال به عطاء وعكرمة مستدلين بحديث ابن عباس الذي معنا وأجابوا عن حديث ابن عمر بأجوبة أحسنها أنه منسوخ بحديث ابن عباس الذي خطب به في عرفات بينما حديث ابن عمر قاله في المدينة قبل حجة الوداع وأيد قولهم في النسخ بما يأتي. الإمام أحمد رحمه الله dans ce qui est le plus connu de lui est le deuxième avis, à savoir que il est autorisé pour celui qui n'a pas de sandales de porter des chaussons sans les couper en dessous des chevilles et sans qu'il n'ait besoin, en faisant cela, de donner une quelconque expiation. Cela est rapporté également de Ali ibn Abi Talib et également c'est l'avis de Atta et de Ikrimah, qui sont notamment des élèves de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas que l'on étudie. Ils ont répondu au hadith d'Abdullah ibn Umar par différentes réponses. La meilleure est que le hadith d'Abdullah ibn Umar est abrogé par le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Le hadith d'Abdullah ibn Umar qui restreint le fait de porter les chaussons au fait de les couper en dessous des chevilles. Donc ce hadith-là, l'imam Ahmad dit qu'il est, ou les autres savants ont dit qu'il est abrogé par le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui lui autorise de porter les chaussons sans les couper. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Arafat. Or, le hadith de Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Médine avant le pèlerinage d'adieu. Et entre parenthèses, la preuve que le hadith a été dit à Médine, le hadith d'Abdullah ibn Umar, est que dans une des versions, il est dit qu'un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fil masjid. Car dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, anna rajulan qal, qu'un homme a dit ou a envoyé d'Allah, qu'est-ce que celui qui est en état de sacralisation porte comme vêtement. Et dans une version, qu'un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était à la mosquée, c'est-à-dire dans sa mosquée à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appuyé cette parole, à savoir que le hadith de Abdullah ibn Umar est abrogé par le hadith de Abdullah ibn Abbas. Ils ont appuyé cela en disant أنه أطلق لبس الخفين بلا قطع بعرفات على مشهد من أمم لم تحضر كلامه في المدينة فليس عندهم علم من الحديث الأول ليحملوا هذا عليه فما كان ليسكت عما يجهلون ثانيا أن حديث ابن عباس في عرفات وهو وقت الحاجة وتأخير البيان عنها ممتنع ثالثا لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل وذكره في حديث ابن عباس ولم يأمر بفتقه مع أنه لا يوجد شيء يحمل عليه مما دل على أنه أراد من الخفين والسراويل مطلق اللبس بلا قطع ولا فتق. Ils ont appuyé cela par trois arguments. Le premier, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de façon absolue dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas qu'il était autorisé de porter des chaussons pour le muhrim qui n'a pas de sandales sans les couper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela où ? À Arafat. Devant un nombre important de personnes qui n'ont pas assisté à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Est-ce que tous ceux qui étaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Arafat ont entendu ces paroles dans le hadith d'Abdullah ibn Umar à Médine? Oui ou non? Non. Ils n'ont donc, ou en tout cas une partie d'eux, n'avaient pas connaissance du hadith de Abdullah ibn Umar. Afin de pouvoir l'appliquer sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur a dit à Arafat. فَمَا كَانَ لِيَسْكُتَ عَمَّا يَجْهَلُونَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas se taire sur une chose qu'ils ignoreraient. Est-ce que vous avez compris ou pas? Si devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Arafat, tout le monde n'était pas censé savoir qu'il avait dit à Médine que celui qui n'a pas de sandales peut porter des chaussons à condition de les couper en dessous de la cheville. Si le prophète Hassan savait que tous ceux qui étaient devant lui n'avaient pas forcément connaissance de ces paroles, est-ce que le prophète Hassan aurait pu se taire sur une chose qu'ils auraient ignorée? Non. Et il y a une règle en islam qui est لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, qu'il est interdit de retarder l'explication au moment du besoin. Tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'une information à un moment précis, j'ai la réponse, il m'est interdit de retarder la réponse après le moment où tu en as besoin. D'accord ? tu as fait, par exemple, tu as prié avec l'imam, tu es arrivé en retard et tu es arrivé après que l'imam se soit levé du rukou', d'accord? Tu finis la prière, tu ne rattrapes pas la raka'at qui te manque. Car après le rukou', ce n'est pas considéré comme une raka'at. Tu demandes à une personne à côté de toi, est-ce que je dois prier ou pas? Est-ce que je dois rajouter une raka'at ou pas? Toi, tu as la réponse. Est-ce que tu as le droit de dire, je te réponds plus tard? Cette personne, elle a besoin maintenant de savoir si elle doit rajouter une raka'at ou pas. Si le fait d'être arrivé après l'inclinaison de l'imam vaut comme une raka'a ou pas, c'est maintenant qu'elle a besoin de connaître la réponse et pas dans 2 heures ou dans 2 jours ou dans 1 semaine. D'accord? Là, il est interdit de retarder l'explication au moment où la personne en a besoin. Ici, le professeur Hassam est devant les pèlerins qui sont en état de sacralisation. Certains ont peut-être pas trouvé de sandales. Donc ici, ils sont dans un moment où ils ont besoin de connaître une information. Est-ce que le professeur Hassellem, si le fait de couper les chaussons était une condition, est-ce que le professeur Hassam aurait pu retarder et décaler cette information à plus tard? Non, il l'aurait dit sur le champ. Ça, c'est le premier argument qui appuie le fait que le hadith de Abdullah ibn Omar est abrogé par le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Deuxièmement, le hadith d'Abdullah ibn Abbas était à Arafat au moment du besoin. Donc ça, c'est le deuxième argument. Le troisième est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, n'a pas cité le pantalon. Il a cité le pantalon comme étant un habit qui est interdit pour celui qui est en état de sacralisation. Mais le professeur Hassan n'a pas dit celui qui ne trouve pas d'izar qu'il porte un pantalon. Cette information, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit dans le hadith de Abdullah ibn Omar, mais il l'a cité dans le hadith de Abdullah ibn Abbas sans ordonner de couper le pantalon. Sans ordonner de couper le pantalon. Le fait donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité dans le hadith de Abdullah ibn Abbas le jour de Arafat, les chaussons et le pantalon sans donner de restriction sur le fait de les couper, cela prouve que le professeur Hassellem a voulu par cela qu'il est autorisé de les porter sans les couper. D'accord? Dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, le professeur Hassellem a parlé que des chaussons qui doivent être coupés, sans parler du pantalon. D'accord? Si on suit la logique, si tu n'as pas le droit de porter des chaussons sans les avoir coupés, pour qu'elles ressemblent à des sandales, eh bien, il en est de même pour le pantalon. Tu n'as pas le droit de le porter tel quel, sauf si tu le coupes pour en faire un izar. Or, le professeur Hassan n'a pas parlé des pantalons dans le hadith d'Abdullah ibn Omar. Il en parle dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas sans parler de couper. C'est que le professeur Hassan autorise de porter le pantalon dans cet état. Eh bien, de la même façon qu'il est autorisé de porter le pantalon dans cet état, il est autorisé de porter les chaussons dans leur état également. Est-ce que c'est compris ou pas? C'est un peu subtil, mais c'est fort en argumentaire. Le quatrième argument, أن القطع نسخ تخفيفا وإصلاحا عن الإفساد بإتلاف المال. Quatrièmement, que le fait de couper, ici en l'occurrence les sandales, les chaussons à fouan, ceci est un allègement. Et ceci également a été abrogé afin de ne pas détériorer les biens et de ne pas les gaspiller. Car un chausson, des chaussons qui sont coupés en dessous de la cheville, ce ne sont plus des chaussons. Or, les chaussons servent notamment, lorsqu'ils recouvrent les chevilles, de chauffer le pied. Or, au temps du professeur Asselem, il faisait chaud comme il faisait froid. Celui qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas les moyens d'acheter des sandales, au temps du professeur Asselem, qui n'a que des chaussons, s'il les coupe, la fonction des chaussons, il ne pourra plus l'utiliser. D'accord ? Donc ici, pour cela que les savants ont dit que le fait de couper les chaussons est un allègement et permet aussi de ne pas gaspiller les biens que l'on a en notre possession. Et de tels allègements sont nombreux dans la religion. Cheikh al-Islam, قال Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, أولا أمرهم بقطعهما ثم رخص لهم في لبسهما مطلقا من غير قطع وهذا هو الذي يجب حمل الحديث عليه. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit, au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de couper les chaussons. Puis, il leur a permis de les porter de façon absolue sans les couper. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre les hadiths. Et c'est ainsi que l'on réunit les hadiths. Wallahu a'lam, wa naktafi bihadha al-qadr, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah ta'ala, à partir de mardi, les cours auront lieu entre al-Maghrib et al-Isha, et non plus après l'Isha, car ce devient une heure tardive. Donc Inch'Allah ta'ala, à partir de mardi, les cours auront lieu entre al-Maghrib et al-Isha, wa barakallahu fikum.